si loin que je m'y perds déjà, même avant même avoir compris pourquoi parfois c'est tellement grand la terre, pourquoi parfois tellement petit. Hier, pourtant je croyais la tenir entre mes mains, qui parlait, qui riait. Hier, pourtant c'était toi, l'Amérique, l'Orient, l'Occident. Si grand, si loin, que je n'y vois la fin. Comment saisir l'horizon de leurs yeux? La rue se vide quand on parle de parler, de se raconter sans penser à tricher. Avec le temps, avec le temps des autres, avec la voix des enfants, j'aimerais jouer à faire sauter les murs, danser les ponts et broyer les clôtures. Si loin que je m'endors déjà, même avant même avoir rêvé, pourquoi parfois c'est tellement vieux la terre, pourquoi parfois tellement salie. Je croyais la tenir entre mes mains, qui parlait, qui riait. Hier pourtant c'était toi, l'Amérique, l'Orient, l'Occident.